sais pas combien il faut de mesures. C'est Goldman. Juste le refrain. On va essayer un 32 là. Alors la batterie, c'est toi qui l'as ? C'est toi, Cyber, qui a la batterie ? Ouais. C'est une version. le Jean. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. monde et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Jean-Jacques, si tu nous entends, on a sorti les orgues. Mr. T, come on, Mr. T. Et Gérald à la basse. En rodage à la guitare. Et Cyber, le roi du keyboard. Cyberdog à l'orgamon. Quoi next? Tu es de... de ma femme. Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Je vais pas m'envoler, je vais aller manger. À plus tard. Je vais manger, les gars. Parce qu'il y a mon petit estomac qui a faim. Et je repasse cet après-midi.